Raphaël's Cambrioleur Amateur par Ernest William Hornung. Épisode L'effraction. Nous étions entrés de Bond Street et nous nous étions arrêtés sur le bord du trottoir à droite à quelques mètres du carrefour. Raphaël's examina quelques fenêtres de l'autre côté de la rue que le brouillard permettait à peine de distinguer et à travers lesquelles on n'apercevait aucune lumière. Ces fenêtres s'ouvraient au-dessus du magasin d'un bijoutier, ainsi que je pus m'en rendre compte en voyant une lueur qui brillait à travers le judas des volets. Tout le premier étage, ainsi que la porte de l'allée donnant sur la rue, était sombre comme le ciel lui-même. « Abandonnons l'affaire pour cette nuit, insistai-je. Il sera bien encore temps demain matin. »« Pas du tout, » dit Raffles, « j'ai sa clé, nous allons le surprendre, venez donc. » Il me saisit le bras droit, me fit traverser rapidement la rue, ouvrit la porte avec sa clé de passe, et en entrant, la referma sur nous vivement et sans bruit. Nous nous trouvâmes tous deux dans l'obscurité. Au dehors, un pas cadencé s'approchait. Nous l'avions déjà entendu dans le brouillard en traversant la rue. Mais à mesure qu'il approchait, les doigts de mon compagnon s'enfonçaient dans mon bras. « C'est peut-être mon ami lui-même, » dit-il à voix basse. « C'est un véritable oiseau de nuit. Pas un mot, Bunny. Nous allons lui faire une peur bleue. » Les pas s'éloignèrent sans s'arrêter. Raffles respira longuement et insensiblement, la pression qu'il exerçait sur mon bras se relâcha. « Ne faites pas de bruit, » continua-t-il, comme dans un souffle. « Nous allons lui monter un bateau. Enlevez vos souliers et suivez-moi. » Vous vous étonnerez sans doute que j'ai obéi, mais uniquement parce que vous n'avez jamais rencontré Aja et Raffles, dont la moitié de la puissance tenait à ce qu'ils savaient à la fois commander et convaincre. Avec un homme possédant une telle force, on ne pose pas de questions, on obéit. Aussi, en l'entendant enlever ses souliers, je l'imitais et avant de m'être rendu compte que c'était une façon bien extraordinaire de pénétrer chez un ami pour lui demander de l'argent au milieu de la nuit, je gravis derrière lui l'escalier. Évidemment, Raffles et le personnage devaient être dans les termes d'une intimité exceptionnelle, et je ne pus m'empêcher de penser qu'ils devaient avoir l'habitude de se faire l'un à l'autre de semblables plaisanteries. Nous tâtonnâmes si lentement qu'avant d'atteindre le sommet, j'eus le temps de faire plus d'une réflexion. L'escalier n'avait pas de tapis, et les doigts ouverts de ma main droite n'avaient rencontré que le mur humide, tandis que ceux de la main gauche avaient traîné sur la poussière de la rampe. Une étrange sensation s'était emparée de moi dès notre entrée dans la maison, et ce malaise ne faisait que s'accroître à chaque marche que nous montions. Quel était donc l'ermite que nous allions effrayer dans sa cellule? Nous arrivâmes au premier étage. À deux reprises, nous suivîmes la rampe à gauche. Nous montâmes encore quatre marches, et nous nous trouvâmes sur un palier plus vaste. Tout à coup, une allumette flamba dans l'obscurité sans que je l'eusse entendu craquer. La lumière m'aveugla d'abord, puis je vis Raffles tenant d'une main l'allumette, la dissimulant de l'autre et marchant entre deux murs dénudés percés de portes donnant accès à des chambres vides. « Où m'avez-vous conduit ? » m'écriai-je. « La maison est inoccupée. Chut, attendez » murmura-t-il en me faisant entrer dans une des chambres vides. Son allumette s'était éteinte au moment où nous en franchissions le seuil. Sans bruit, il en alluma une seconde. Il me tournait le dos, tout en manipulant quelque chose que je ne pouvais distinguer. Après qu'il eut rejeté la seconde allumette, j'aperçus cependant une lueur et je sentis un relan d'huile. Je fis un pas en avant pour regarder par-dessus son épaule, mais avant que j'y eusse réussi, il s'était retourné et m'avait aveuglé par les rayons que projetait sur mon visage une lanterne minuscule. « Qu'est-ce cela ? » fis-je haletant. « Quelle mystification préparez-vous ? » « Elle est accomplie, » répondit-il avec son rire tranquille. « C'est à moi qu'elle s'adresse. J'en ai peur, Bunny. Il n'y a personne dans la maison. Il n'y a que nous deux. Alors, votre ami de Bond Street, qui devait nous donner de l'argent, plaisanterie ? Pas tout à fait. Il est absolument exact que Danby est un de mes amis. Danby, le bijoutier d'en bas. « Que voulez-vous dire ? » murmurai-je, tremblant comme une feuille, tandis que la vérité se faisait jour en moi. « Allez-vous voler l'argent du bijoutier ?» « Pas précisément. Quoi donc, alors ?»« L'équivalent. Je m'adresserai à son magasin. » Je n'avais plus besoin de poser des questions. Je comprenais tout, excepté mon aveuglement. Il avait eu beau faire des allusions, je n'en avais compris aucune, et j'étais là, le dévisageant dans cette pièce vide, tandis qu'il tenait sa lanterne sourde à la main, en riant de moi. « Un cambrioleur, » fis-je à bout d'haleine. « Vous, vous !» Je vous ai dit que c'était mon intelligence qui me faisait vivre. Pourquoi ne m'avoir pas dit ce que vous alliez faire? Pourquoi n'avoir pas eu confiance en moi? Pourquoi ces mensonges? lui demandai-je, piqué au vif, malgré toute mon horreur. J'étais plus d'une fois sur le point de tout vous avouer. Rappelez-vous donc que je vous ai sondé, pour savoir si vous iriez jusqu'au crime, bien que vous ayez sans doute oublié ce que vous avez dit vous-même. Je ne croyais pas à vos affirmations, mais j'ai pensé qu'il fallait vous mettre à l'épreuve. Je vois bien maintenant que vous parliez inconsidérément, et je ne saurais vous en blâmer. Partez donc, mon cher ami, aussi vite que possible, et laissez-moi seul ici. Quoi que vous fassiez, ne me vendez pas. Quelle habileté diabolique! S'il avait usé envers moi de menaces, s'il avait voulu me contraindre, s'il avait semblé me mépriser, les choses se fussent passées bien autrement. Mais il me laissait libre et restait seul dans l'embarras. Il ne voulait même pas m'adresser un reproche, ne m'imposait pas le secret. Il avait confiance en moi. Connaissant ma faiblesse et sa force, il savait jouer des deux avec maestria. « Un moment, » dis-je, « est-ce moi qui vous ai mis ce projet en tête, ou l'eussiez-vous exécuté dans tous les cas ?»« Pas dans tous les cas, » expliqua mon compagnon. « Je possède, il est vrai, la clé depuis plusieurs jours. Mais quand j'ai vu ce soir que je gagnais, j'ai pensé à m'en débarrasser, car vraiment, ce n'est pas un ouvrage à faire seul. » Cela suffit, je suis votre homme. Est-ce vrai? Oui, pour cette nuit. Mon bon vieux Bunny, fit-elle à voix basse, tout en dirigeant sa lanterne sur mon visage pendant un instant. Un moment après, il me développa son plan que j'approuvais comme si nous avions travaillé ensemble pendant toute notre vie. Je connais le magasin, m'expliqua-t-il, car j'y ai acheté quelques menus objets. Je connais aussi cet étage qui est alloué depuis un mois et que j'ai obtenu l'autorisation de visiter. Circonstance qui m'a procuré le moyen de prendre l'empreinte de la serrure. Mais ce que j'ignore, c'est la façon dont on passe de l'un dans l'autre. Pour l'instant, je ne vois aucune communication. Nous pourrions faire une à cet endroit. Néanmoins, je préfère opérer par le rez-de-chaussée. Attendez un instant, je vous dirai ce qu'il faut faire. Il posa sa lanterne à terre et s'approcha tout doucement d'une fenêtre de derrière qu'il ouvrit presque sans bruit. Après l'avoir refermée avec le même soin, il revint en secouant la tête. Ce serait là notre meilleure chance, dit-il. Cette fenêtre étant placée au-dessus d'une autre, mais il fait trop nuit pour rien distinguer, et il ne faut pas qu'on aperçoive notre lumière de dehors. Descendons au rez-de-chaussée et n'oublie pas qu'il faut éviter de faire le moindre bruit. Écoutez, écoutez. C'était le pas cadencé que nous avions déjà entendu résonner dehors sur le pavé. Raffles ferma sa lanterne, et nous restâmes debout sans faire un mouvement jusqu'à ce qu'il se fût éloigné. « C'est un policeman ou un bailleur que les bijoutiers entretiennent à frais communs, » souffla-t-il. « C'est lui qu'il nous faut surveiller, car on le paye justement pour empêcher ce que nous allons faire. » Nous descendîmes avec précaution l'escalier qui cependant craqua sous nos pieds, et nous ramassâmes nos souliers dans l'allée. Nous descendîmes enfin quelques marches de pierre très étroites, au bas desquelles Raffles découvrit sa lanterne et remit ses souliers en me disant d'une voix plus haute de l'imiter. Nous nous trouvions maintenant au-dessous du niveau de la rue, dans un réduit qui comportait de nombreuses portes. Trois d'entre elles étaient entr'ouvertes, et nous vîmes qu'elles donnaient sur des caves vides. À la quatrième, la clé était tournée, le verrou tiré, et après l'avoir ouverte, nous nous trouvâmes dans une sorte de puits carré, rempli de brouillard. En face de nous se trouvait une porte semblable, sur laquelle Raffles dirigea sa lanterne tout en cachant la lumière avec son corps. Tout à coup, un craquement arrêta les battements de mon cœur. Un moment après, la porte était grande ouverte. Raffles se tenait à l'intérieur, me faisant, avec une pince monseigneur, signe de venir. « Porte numéro un, » murmura-t-il. « Je ne sais combien nous en trouverons, mais j'en connais au moins deux. Il ne faut pas qu'elle fasse trop de bruit. Par ici, cependant, il y a moins de risques à courir. » Nous nous trouvâmes au pied d'un petit escalier de pierre, semblable à celui que nous avions déjà descendu. Cette cour ou ce puits devait être commun à la fois à la maison et au magasin, mais l'escalier ne conduisait à aucun passage ouvert. Une forte porte en acajou nous arrêta. « Je m'en doutais, » dit Raffles tout bas, après avoir inutilement essayé d'ouvrir au moyen de fausses clés. Il me tendit la lanterne et remit dans sa poche son trousseau. « Nous en avons pour une heure avant d'ouvrir celle-ci. Vous ne pouvez pas la crocheter. » « Non, je connais ces serrures, ce n'est pas la peine d'essayer. Il faut les faire sauter, et cela nous prendra une heure. » Cela nous demanda, ou plutôt demanda Raffles, 47 minutes à ma montre. Jamais de ma vie je n'ai vu rien faire avec autant de soin. Mon rôle se borna à tenir la lanterne d'une main et de l'autre une petite bouteille de pétrole. Raffles avait sorti un élégant étui brodé qui servait sans nul doute à serrer ses rasoirs, mais qui contenait, sais-tu-là, tous les outils de son métier caché, y compris l'huile de pétrole. Dans cet étui, il choisit une mèche capable de percer un trou d'un centimètre de diamètre, qu'il emmancha un très solide petit vilebrequin en acier. Il enleva son pardessus et son veston, les plia avec soin sur la marche supérieure, s'agenouilla dessus, releva ses manchettes et se mit à travailler avec son vilebrequin autour de la serrure. Mais, avant de commencer, il prit la précaution de huiler la mèche afin d'éviter tout bruit, et recommença ainsi chaque fois qu'il eut percé un nouveau trou, s'arrêtant souvent au milieu de son travail pour huiler son outil. Il lui fallut percer 32 trous distincts pour enlever la serrure. Je m'aperçus que par le premier trou, il fit passer son doigt. Quand le cercle fut agrandi, il y passa la main tout entière. Je l'entendis jurer à voix basse. « C'est ce que je craignais !»« Qu'est-ce qu'il y a ? Une grille en fer de l'autre côté !»« Comment nous tirer de là ? » demandai-je avec désespoir. « En crochetant la serrure !»« Mais il y en aura peut-être deux, et dans ce cas, on en trouvera une en haut, l'autre en bas, et il faudra deux nouveaux trous, car la porte s'ouvre en dedans. Étant donné la façon dont elle est placée, elle ne s'ouvrira pas de 10 centimètres. » J'avoue que je me trouvais légèrement refroidi à l'idée de crocheter une autre serrure, après tout le mal que nous avions eu à ouvrir la première. Si j'avais pu m'analyser, ce désappointement et cette impatience eussent été pour moi une révélation. À vrai dire, je commençais inconsciemment à prendre goût à ces opérations criminelles, dont l'imprévu et le danger me laissaient une sorte de griserie et tout sens moral. Toute notion de l'abîme que je côtoyais s'annihilait. Je restais là, debout, tenant la lumière et la fiole d'huile, suivant avec un intérêt passionné le travail de Raffles. Celui-ci était à genoux, ses cheveux noirs en désordre, calme, ayant aux lèvres l'éternel sourire que je lui avais toujours vu quand il tenait tête à ses adversaires dans un match. Enfin, la série des trous terminée, il put enlever entièrement la serrure. Son bras nu passa tout entier à travers l'ouverture et atteignit les barreaux de la grille de fer qui se trouvait derrière. « Quelle chance ! » murmura-t-il. Nous n'avons affaire qu'à une seule serrure, elle se trouve au milieu. Je vais la crocheter, et enfin nous entrerons. » Il choisit une fausse clé dans son trousseau, et de nouveau plongea son bras jusqu'à l'épaule. Le moment était palpitant. J'entendais les battements de mon cœur, le tic-tac de ma montre et le grincement continu de la fausse clé. Un instant après, la porte d'acajou et la grille de fer s'ouvraient devant nous. Raffles s'assit sur la table de bureau en s'épongeant le visage qu'éclairait la lanterne que j'avais placée à côté de lui. Nous nous trouvions dans une vaste chambre aux murs dénudés qui précédait immédiatement le magasin dont nous séparait un rideau de fer. La vue de ce rideau de fer me désespéra. Quant à Raffles, il n'en sembla nullement ému. Ayant suspendu son pardessus et son chapeau à des porte-manteaux, il examina le rideau avec sa lanterne. « Cela n'est rien, » dit-il. Et nous en aurons raison en un tour de main. Mais il y a derrière une porte qui pourra nous donner de la tablature. « Encore une porte, » dis-je en grognant, « et comment allez-vous en avoir raison ? Je vais la fracturer avec la pince, monseigneur. Voyez-vous, mon ami, le point faible de ces rides de fer, c'est qu'on peut facilement faire levier par-dessous. Mais cela occasionne du bruit, et pour cette opération, vous me serez d'une grande utilité, Bunny. Vous allez monter au premier étage et vous frapperez du pied quand la rue sera déserte. Je vais vous montrer le chemin. » On imagine combien peu me souriait la perspective de faire le guet tout seul. Néanmoins, je trouvais un puissant stimulant dans le sentiment de l'immense responsabilité qui m'incombait. Je me plaçais, sans un murmure, à mon poste dans la chambre du devant, au-dessus du magasin. Heureusement pour nous, on y avait laissé des stores vénitiens qui étaient en ce moment baissés. Regardez dans la rue, à travers les lames de bois, frappé du pied deux fois quand j'apercevais quelqu'un s'approcher, une seule fois quand la rue devenait déserte, furent des choses très simples. Les bruits d'en bas étaient presque imperceptibles, sauf un craquement métallique que j'entendis tout à fait au début. Il cessait entièrement chaque fois que je frappais deux fois du pied. Pendant l'heure que je restais à la fenêtre, un policier passa une demi-douzaine de fois sous mes yeux, sous moi aussi un homme que je supposais être le veilleur des bijoutiers. Une fois, mais une fois seulement, j'eus la chair de poule. Ce fut quand le veilleur s'arrêta pour regarder à travers le judas le magasin illuminé à l'intérieur. J'attendais son coup de sifflet et j'entrevoyais déjà la potence ou tout au moins la prison. Mais mes signaux avaient été fidèlement notés et l'homme s'éloigna tranquillement. Enfin, à mon tour, je perçus un signal, Je redescendis avec précaution auprès de Raffles qui m'attendait. Il me serra la main. « Très bien, mon cher, » dit-il. « Vous êtes toujours le même brave cœur dans la nécessité, et vous aurez votre récompense. J'ai la 1000 livres comme un sou. Tout est dans mes poches, et voici ce que je viens de trouver dans ce buffet. D'excellents portos et des cigares serrés sans doute à l'intention des clients de ce brave Danby. Prenez un verre, nous allumerons tout à l'heure. J'ai aussi découvert un lavabo. Nous allons faire un brin de toilette avant de partir, car je suis mis comme un voleur. » Le rideau de fer était baissé, mais il tint à le relever pour me permettre d'apercevoir à travers la porte vitrée l'œuvre qu'il avait accomplie dans le magasin. Je remarquai de lampes électriques qu'on laissait brûler toute la nuit, et sous leur lumière blanche, je ne distinguais tout d'abord rien de dérangé. Je regardai le long des comptoirs une vitrine vide placée à ma gauche. Sur ma droite, une autre vitrine remplie d'argenterie qui n'avait pas été touchée, et face à moi, l'œil noir du Judas donnant sur la rue qui se détachait comme une lune. Raffles n'avait pas vidé le comptoir, car son contenu avait été placé à l'intérieur d'un coffre-fort qu'après un coup d'œil, il avait laissé intact. Il ne s'était pas non plus inquiété de l'argenterie et s'était contenté de m'y choisir un étui à cigarettes. Il ne s'était occupé que de la devanture du magasin. Elle était divisée en 3 compartiments, qu'on séparait pendant la nuit par des panneaux mobiles dont chacun avait sa serrure. Raffles les avait enlevés avant l'heure habituelle, voilà tout. La lumière électrique n'éclairait maintenant que le contrevent de fer plissé, nu comme une vieille ferraille. Tous les objets de valeur avaient disparu du seul endroit qui était invisible du Judas percé dans la porte. Dans les autres parties du magasin, tout était dans le même état que la veille au soir. À part une série de portes fracturées derrière le rideau de fer, une bouteille de vin et une boîte de cigares avec lesquelles on avait pris quelques libertés, une serviette quelque peu noire après le lavabo, ça et là des allumettes brûlées, des marques de doigts sur la poussière de la rampe, nous n'avions pas laissé de traces de notre visite. Peu après, nous marchions lentement à travers les rues, quelques instants avant l'aurore, comme si nous revenions d'une soirée. « Non, Bunny, » me dit Raffles, « je n'y avais jamais songé quand, il y a un mois, je vis que l'appartement au-dessus du magasin du bijoutier était alloué. J'achetai alors quelques bibelots dans le magasin, afin de me rendre compte de la topographie des lieux. Cela me fait penser que je ne les ai pas encore payés, mais par Dieu, j'irai demain. Une première visite me démontra la possibilité de faire le coup, mais une seconde me donna la conviction qu'il serait impossible de réussir si je ne me faisais pas accompagner d'un ami. J'avais à peu près abandonné l'idée quand vous êtes venu cette nuit dans l'état voulu pour le faire. Mais nous voici à l'hôtel Albany. J'espère que le feu est encore allumé, car je ne sais ce que vous éprouvez, vous, Bunny, mais pour ma part, je suis glacé comme le hibou de Kate. » Il était assez maître de lui pour penser à Kate, en revenant de commettre un crime. Il désirait le coin de son feu tout comme un autre. Et moi, désormais son complice, j'étais là, je me chauffais devant son feu, je le surveillais tandis qu'il vidait ses poches, comme si je n'avais rien fait d'extraordinaire. Mon sang se glaçait, mon cœur se soulevait, mon cerveau éclatait. J'avais eu de l'affection pour cet être, je l'avais même admiré. Mon affection et mon admiration pour lui s'étaient changées en mépris et en dégoût. J'espérais sentir un changement en moi. Je m'attendais à le voir naître dans mon cœur. Mais je l'espérais et je l'attendis en vain. Je le regardais donc vider ses poches. La table était couverte de trésors, des bagues par douzaines, des diamants par vingtaines, des bracelets, des pendants d'oreilles, des aigrettes, des colliers, des perles, des rubis, des améthystes, des saphirs et toujours des diamants. Des diamants partout, brillants comme des lumières, m'éblouissaient, m'aveuglaient. Je ne pouvais y croire. Désormais, je ne pourrais oublier. Enfin, il sortit d'une poche intérieure non plus un bijou, mais mon propre revolver. Cela fit vibrer en moi une corde. Je dis sans doute quelque chose, ma main se tendit. Je crois voir enfin Raffles me regarder les yeux agrandis. Je le vois encore enlever les cartouches avec son sourire calme et cynique avant de me rendre cette arme. « Vous pouvez ne pas me croire, Bunny, » dit-il, « mais c'est la première fois que je porte avec moi une arme chargée. Somme toute, je crois que cela donne confiance en soi. Mais cependant, ce serait très gênant. Si les choses tournaient mal, on serait tenté de s'en servir, et ce ne serait pas de jeu. » Bien que j'ai souvent pensé que l'assassin qui vient de faire un coup doit, avant d'être pris, éprouver de fortes émotions. Ne prenez donc pas cet air si lamentable, mon cher ami. Je n'ai jamais éprouvé ces émotions-là, et je suppose que je ne les ressentirai jamais. Vous aviez donc déjà commis des fautes semblables auparavant ? Auparavant ? Mon cher Bunny, vous m'insultez. Est-ce que cela ressemblait à un coup d'essai ? Bien sûr que oui, j'avais déjà pratiqué. Souvent ? Eh bien non, pas assez souvent, pour que cela ait perdu de son charme en tout cas. Jamais, à moins d'en avoir absolument besoin. Avez-vous entendu parler de l'affaire des diamants de Thimbleby ? Eh bien, ce fut mon avant-dernier travail, et il ne valait pas bien cher. Après vint l'affaire de la maison flottante de Dormer à Henley l'année dernière. C'était encore moi. À proprement parler, je n'ai encore jamais fait un grand coup, et quand j'en aurais fait un, j'abandonnerais la partie. Je me rappelais en effet très bien ces deux affaires. Pensais qu'il en était l'auteur. C'était incroyable, insensé, inconcevable. Mes yeux se fixaient sur la table qui étincelait de mille feux. Je croyais rêver. « Comment avez-vous commencé ? » demandai-je, car la curiosité avait repris le dessus et se mêlait à l'intérêt que je ressentais pour cet homme. « Oh, une longue histoire. » J'étais allé aux colonies pour jouer au cricket. Une trop longue histoire pour que je vous la raconte maintenant. Je me trouvais dans une impasse analogue à celle où vous vous trouviez ce soir, et je n'avais aucun autre moyen d'en sortir. C'était la première fois. J'espérais que ce serait la dernière. Mais j'avais goûté à la coupe et c'en était fait. Pourquoi travailler puisque je voulais voler ? Pourquoi m'astreindre à la vie régulière quand l'excitation, le besoin d'aventure, le danger et la possibilité d'une existence large brillaient à mes yeux ? Je sentais combien c'était mal. Mais nous ne sommes pas tous des moralistes et la répartition de la richesse est si mauvaise. Mais vous ne m'écoutez pas. Et je suis fatigué de faire pour moi seul des citations de Gilbert, bien qu'elles soient absolument vraies. Je vous demande si cette vie vous plairait autant qu'à moi. « Si je l'aimerais ? » m'écriai-je. « Oh non, ce n'est pas la vie qu'il me faut. Une fois, c'est déjà trop. »« Vous ne voudriez pas me donner un coup de main une autre fois ?»« Ne me le demandez pas, Raffles, ne me le demandez pas, pour l'amour de Dieu !»« Pourtant, vous m'aviez affirmé que vous feriez n'importe quoi pour moi. »« Vous m'aviez même invité à vous désigner le crime. »« Mais je sentais bien au moment où vous l'avez dit, que vous parliez du bout des lèvres. »« Vous ne m'avez pas lâché cette nuit, et par Dieu !» J'ai de quoi être satisfait. Je suis donc ingrat et déraisonnable. Je devrais en rester là. Mais vous êtes l'homme qu'il me faut, Bunny, celui qui m'est nécessaire. Voyez avec quelle facilité nous nous en sommes tirés cette nuit. Pas une égratignure, pas un accroc. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y a rien de si terrible, et tant que nous travaillerons ensemble, il en sera toujours ainsi. Il se tenait debout devant moi, les mains passées sur mes épaules, souriant, comme il savait si bien sourire. Je me détournai, posai mes coudes sur la cheminée et pris dans mes mains ma tête en feu. Un instant après, une main plus pressante s'appuyait sur mes épaules. « Très bien, mon ami, vous êtes dans le vrai, et c'est moi qui ai tous les torts. Je ne vous adresserai plus pareille demande. Partez, si vous voulez, et revenez vers midi pour toucher votre argent. Nous n'avions pas fait de pacte ensemble, mais bien entendu, je vous tirerai de votre mauvais pas, surtout après la manière dont vous m'avez aidé cette nuit. » Je me retournai, le sang en ébullition. « Je recommencerai, » dis-je entre mes dents. Il secoua la tête. « Non, vous ne le ferez pas, » dit-il, souriant de mon emballement insensé. « Je le veux, » criai-je avec un jurant. « Je vous prêterai mon aide aussi souvent que vous voudrez. Qu'est-ce que cela me fait maintenant ? J'ai déjà failli une fois, je recommencerai. Je me suis vendu au diable dès aujourd'hui. Même si je le pouvais, je ne voudrais pas retourner en arrière. Qu'importe un nouveau crime ? Quand vous aurez besoin de moi, je serai votre homme. » Et voici comment Raffles et moi, aux îles de Mars, nous associâmes nos forces en vue du crime. Fin de l'épisode « L'effraction ».